Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Yeah. Oh yeah. Run up on me, baby. Uh-huh. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Yeah. Les problèmes, je les ai vus de près, vus de près. Ma jeunesse à courir derrière le cash et le succès. Yeah, yeah. Bonheur, je t'ai vu de près. Côtoyer des gens faux et des gens vrais. Pour aller là-bas de la route, j'en ferai. Et si les portes se ferment, aucun problème. Que le quartier sèche ses larmes, fouille ni blême. Et si j'ai laissé derrière tous ces problèmes, un jour le ciel se lève. Yeah. Donc avant de partir, j'oublie problème. Laisse-moi kiffer toute la night. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Yeah, yeah. Donc avant de partir, j'oublie problème. Laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. M'accrocher ou tomber, tomber. Garder la tête hors de l'eau, surtout ne pas replonger. Mettre le rap en danger, tôt ou tard se ranger. Devant les difficultés, fuir, je n'y ai jamais songé. Yeah. Et si ce soir la nuit peine à tomber, dédié à tous nos frères perdus tombés. De voir nos rêves de gosses réalisés avant que le jour se lève. Jamais sans fight. Yeah. Donc avant de partir, j'oublie problème. Laisse-moi kiffer toute la night. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Yeah. Donc avant de partir, j'oublie problème. Laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. J'oublie problème. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Oh yeah. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. C'est my life. Yeah, yeah. Donc avant de partir, j'oublie problème. Ouais, laisse-moi kiffer toute la night. Laisse-moi kiffer toute la night. C'est ma life. Oh yeah.